Second fragment enregistré cours de Shaun. Shaun 2. Quelques moments d'un après-midi assoupi. Tu vas à la deuxième, tu peux être à la deuxième, hein? Bon, en fait.